Quand Jaman allume ton spliff sur l'avenue du Songkai, de la weed au cannabis, on en fume toutes les capitales. La vague des gants Jaman est depuis internationale. Quoi de plus naturel que la fleur tropicale? Allume ton spliff sur l'avenue du Songkai, de la weed au cannabis, on en fume toutes les capitales. La vague des gants Jaman est depuis internationale. Quoi de plus naturel que la fleur tropicale? Je l'aime Marie Jeanne. Le vache on l'aime davantage avant le déjeuner. Un quelques gants ça gants Jaman. Enclenche un spliff à la oui, on en fume tout Paname. On laisse aller qu'on se matin d'elle et ses mangues. Dans des cages, ils laissent tomber les fumeurs. Raconte Marie-Jaouane. Je l'aime, Marie-Jeanne. Le vache, on l'aime davantage avant le déjeuner. À quelques temps que ça gagne, Jaman. Enclenche un spliff à la bouche, oui, on en fume tout Paname. On laisse aller qu'on se matin d'elle et ses mangues. Dans des cages, ils laissent tomber les fumeurs. Raconte Marie-Jaouane. Quand Jaman allume ton spliff sur l'avenue du Songkai, de la weed au cannabis, on en fume toutes les capitales. La vague des gants Jaman est depuis international. Quoi de plus naturel que la fleur tropicale? Allume ton spliff sur l'avenue du Songkai, de la weed au cannabis, on en fume toutes les capitales. La vague des gants Jaman est depuis international. Quoi de plus naturel que la fleur tropicale? Mais on te met les menottes au poignet parce qu'entre les doigts t'as un bidou. Mais quoi de boc, faut pas renier, c'est tant qu'il a me cas dans le bloc. Fumer la scène, c'est pour les agents, c'est comme sniffer la Paco. Le sable blanc, un fléau qu'ils n'ont jamais pu pistou. Faut à l'Elysée, prends congé puis viens dans le ghetto voir ces jeunes épuisés. Que ton système transforme en toxico, ils n'ont même pas su mener le combat face aux drogues de haut niveau. Qu'ils veulent déjà tester nos ganjaman commandos. Ganjaman allume ton spliff sur l'avenue du Songkai, de la weed au cannabis, on en fume toutes les capitales. La vague des ganjaman est depuis international. Quoi de plus naturel que la fleur tropicale? Allume ton spliff sur l'avenue du Songkai, de la weed au cannabis, on en fume toutes les capitales. La vague des gants Jaman est depuis international. Quoi de plus naturel que la fleur tropicale? Lève ton bras et roule ton pédo. De poule popo. Flingue ta conso. Des gros joints d'herbe. Give me the weed, good ganja weed. J'fais pas de détails quand j'vous parle de Sensi. Tout le monde voit ce que j'dis car tout le monde sait ce que c'est. J'suis censé me taire ou sans ça tous les verrous finir sans sutour. Plus tout si que tout c'est la vie du ghetto qui nous tue. Tu sais que l'argent attire les gens, la Sensi les agents. Très souvent ils surveillent les rude boys qui se font de l'oseille facilement. Mauvais garçon dans la vie il faut être dans le cas contraire, jeune homme en prison tu logeras pour longtemps. Mais les temps c'est de l'argent. Certaines personnes pensent que l'argent pourrit les gens dans les ghettos. On oublie ce dicton depuis longtemps. De vraies machines à pièces dans le nez qu'on se pour millions de francs. Bouge tes fesses et brûle la Jessie à la cécitude. La Sensi guide l'inspiration, regarde ce que mon son crache dans les salles. J'teste aucun poison, j'fume le canard de toutes ses pétales. Allume ton spliff sur l'avenue du Songkai, j'vais les pépettes dans le bénéf de mon kiff et les cônes plein de taille. Pour rester créatif et que les mauvais esprits taillent. Quoi de plus naturel que la tropical flower? Fast tech dans le secteur, forcé que l'atmosphère se parfume. Du public au sélecteur, les spliffs en l'eau se consument. Les cadjons sur son parfum, même les femmes la consomment. Tire sur ton joint, c'était Ganja Man et que tu l'assumes, j'assiste personne. Ganja Man allume ton spliff sur l'avenue du Songkai. De la weed au cannabis, on en fume toutes les capitales. La vague des gants Jaman est depuis international. Quoi de plus naturel que la fleur tropicale? Allume ton spliff sur l'avenue du Songkai. De la weed au cannabis, on en fume toutes les capitales. La vague des gants Jaman est depuis international. Quoi de plus naturel que la fleur tropicale? Missing my head, Adem, Babylon you die. She's gone calling, tant pis pour les fumeurs de caille. My head, Adem, Babylon you die. She's gone calling, mais c'est gants Jaman lighter. Babylon you die, she's gone calling top pour les fumeurs de caille. Me heard a dead dead dem, Babylon you die. Me heard a dem, Babylon you die, she's gone calling top pour les fumeurs de caille. Me heard a dead dead dem, Babylon you die, she's gone calling me second Jaman lighter.